monte, monte, monte l'escalier qui mène à ma blonde. Il monte sans répit l'escalier qui va chez mamie. La mignonne qui m'a souri m'a donné rendez-vous à minuit. Mais elle m'a pas dit l'ingénu que ça montait si fort, si haut, si dru, si tard. Moi je suis mort, moi je peux plus. Il monte, monte, monte l'escalier qui mène à ma blonde. Il monte sans répit l'escalier qui va chez mamie. La concierge, les sourcils froncés, de toute sa chair m'a toisé. Quand j'ai pris l'œil vicelard, l'escalier de service qui montait, tournait, montait. En quel cauchemar il monte, monte, monte l'escalier qui mène à ma blonde. Il monte sans répit l'escalier qui va chez mamie. Ça devrait être interdit, un travail pareil à minuit. 200 marches à escalader, il faut le faire, le refaire, c'est bien fait. J'ai bêtement négligé la fille du rez-de-chaussée. Monte, monte, monte l'escalier qui mène à ma blonde. Il monte sans répit l'escalier qui va chez mamie. Y'avait pas de piotte ou palier, à tâtons je me suis mis à tâter. En tâtonnant j'ai trouvé, j'ai frappé nerveusement, me léchant les babines finalement dans le divan. La voisine il monte, monte, monte l'escalier qui mène à ma blonde. Il descend, descend, descend l'escalier qui retourne chez maman. Oh.